l'ambiguïté de toute une femme. C'est pour elle que brûle ta flamme. Et toi l'ami, n'as-tu que tant souffert? À tes yeux, elle reste l'innocence de ses idées, de son esprit pervers. Tu as pris plus tard ta vraie souffrance. Mais Saline est dans sa chambre, sa porte ouverte, ses gardiens changent. Mais Saline est dans sa chambre, 12 gardiens de janvier à décembre. Son service, jouissant de tout en ton absence, inventant le plus de vices, mais tout ça n'a plus d'importance. Mais Saline reste dans sa chambre, sa porte ouverte, ses gardiens changent. Mais Saline n'est toujours pas un ange, 12 gardiens de janvier à décembre.